En Corée, des succès sont remportés dans le rétablissement des régions nord sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. À l'arrondissement de Musan, les militaires de l'armée populaire de Corée ont terminé le creusement de fondations des centaines de milliers de mètres cubes et le bétonnage, ainsi que les travaux de fondation de mille et des centaines de maisons, pour ainsi commencer la construction murale. À l'arrondissement d'Anson, les travaux de fondation des logements sont promus à l'étape finale, simultanément avec la construction des murs, alors que l'arrondissement de Gyeonghu a terminé plus rapidement que prévu les travaux de fondation des maisons d'habitation pour faire progresser la construction murale à 60%. La mine ouillère de Hyeongbong du campus ouillé du district de Dokchun a augmenté à 1,2 fois la production du charbon pour l'électricité nécessaire au redressement, tandis que la mine de Doksan dépasse tous les jours à 150% la production des minerais de fer en haute teneur. Les usines et entreprises du Fangé du Nord aussi, telles que le complexe sidérurgique de Fangé et l'usine textile de Saliwon, augmentent la production des articles de consommation courante et des matériaux de construction.